ciel brouillé. On dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux est-il bleu, gris ou vert? Alternativement tendre, rêveur, cruel, réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés, quand, agités d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons, comme tu resplendis, paysage mouillé, qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé. Ô femme dangereuse, ô séduisant climat, adorerais-je aussi ta neige et vos frimas, et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer?